Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Vidéo Nasties. Chaque semaine, voyez avec moi certains des films les plus gore, les plus trash, mais surtout les plus censurés de l'histoire du vidéo. Découvrez les films bannis pour leur atrocité et pourquoi ils ont été censurés. Mais avant tout, c'est un show pour les fanatiques du cinéma d'horreur. Venez prendre un bain de sang avec moi tous les mercredis de 21h sur douteux.tv. Et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui accro tout comme vous, j'avoue présentement, 70%. Bonne écoute. Bam! Sur douteux.tv. La télé! Tout a commencé! On commence fort. Salut, on est à 70%. Tommy Godette au micro. C'était Réal V. Benoît et Claude R. Knight. Merci bien gros. À date, c'est ma préférée. J'aime bien celle de Danny Daniel aussi, puis celle de Polype. Mais les autres ne savent pas qu'ils nous l'ont faite. Puis celle d'Alex et Arnold aussi est forte. Celle de Saumur, un petit peu moins. Là. Ouais. Celle d'Israël aussi, c'est bon. Comment ça en avoir pas mal? J'ai oublié celle d'Edgar aussi, Edgar Bory. On fait une émission spéciale de juste nos jingles. Avec quelqu'un qui danse. Ça prend toutes quelqu'un nos chansons qui danse. Thème. Bruno? Oui, oui, je suis capable de danser. C'est bon. En manchette ce soir, t'as-tu un petit punch? Manchette ce soir, je suis de retour. Et puis, du monde, attends. Étienne Forêt, les péchés? Ben oui, moi, Dieu m'a imposé un thème la semaine passée. Il est descendu sous forme de Saint-Esprit parmi nous. Ben oui. Puis il nous a dit le péché. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai pris évidemment le grand classique, les sept péchés capitaux, puis j'ai préparé une toune pour chaque, puis on va écouter David ça. David Fincher, man. Ça va être qui ton Morgan Freeman? Qui c'est qui va avoir des conseils? Non, moi, je dis que c'est toi, Morgan Freeman, puis moi, je suis Brad Pitt. Oh, c'est une bonne idée, ça. C'est bon. Okay. Comme ça, à la fin, tu peux réagir de façon un peu douteuse à la mort de ta femme. Ouais. Moi, je te dis, man. je m'y sens déjà. Et puis, on a Dieu Préjean, ce qu'on appelle Préjean Dieu. Dieu, et voilà. Dieu, ça me va. Humblement, on a Dieu à la console. Préjova. Myriam à la caméra. Merci bien gros, Myriam. J'aimerais commencer parce que cette semaine, on a encore trié beaucoup de clips. On a découvert beaucoup de choses et retourner vers les classiques. Il y a la chanson qui me fait pleurer à chaque fois de Didier Barbelivien. Là où je t'aime. Ouais, ciel n'a pas la même couleur. On l'a écouté genre deux, trois fois. Ouais. Juste vendredi. À un moment donné, il parle de l'école des lapins, les lapins qui vont à l'école. Il y a ça dans tout au début. Ouais, ça, c'est pas mal touchant. Et puis, ben, tu sais, en y réfléchissant, quand il dit là où je t'aime, il est en train de dire qu'il y a comme une région qui inclut l'endroit où il aime la fille. Donc, il y a une région où il n'aime pas la fille. Ouais. Donc, c'est un petit peu le contraire d'une toune romantique quand tu penses à ça. Ben, en fait, je pense que si tu veux que je t'explique la poésie de la toune, là, je peux m'y mettre, là, mais calisse que ça me tente pas. Ah, ben merci. Ok, moi, ouais, j'avoue que tu l'as écouté deux fois vendredi, toi. Puis pas avec un esprit de bottine comme moi. Non, là, c'est ça. Ok. Sinon, il y avait une autre toune qu'on est allé downloader, que c'est à toutes les filles. Tu peux la partir là, Simon. En fait, j'ai trouvé une version à toutes les filles. J'ai trouvé une version live qui chante avec Félix Gay, je pense. Vous allez voir, c'est assez fabuleux. C'est un grand classique. Puis là, on va jouer à Trouver l'intrus. Puis ce qui est bien pour ceux qui nous écoutent juste en audio en ce moment, c'est que je sais pas si vous aviez remarqué, mais ça, c'est la version live. Ouais, j'avoue. Ben oui, puis il y en a plusieurs différentes, hein. Fleurs dansantes. c'est comme si il était là, puis il fallait qu'il la mette à quelque part. Là, ouais, fait qu'ils l'ont mis là. C'est peut-être le commanditaire. Il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là, puis il y a personne qui était pas bon. C'est ça. Puis ça paraît qu'il y a comme une autre caméra qui focus dessus, parce qu'elle est comme... C'est ça. C'est pas ce taille-là, vraiment. On dirait qu'il est comme en blue screen rajouté. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être... C'est peut-être le neveu du producteur qui a inventé cette couleur-là. En tout cas, gros coup de pub ici, grâce à... Puis juste pendant qu'on a de la romance en arrière, j'aimerais vous parler de mon truc écologique que j'ai comme réalisé cette semaine. Pourquoi se sécher les mains en sortant des toilettes après que tu te les ailles laver? T'as juste à comme les secouer, puis à te les essuyer ses cuisses après. Puis après ça, ça prend maximum 10 secondes, puis tu y penses plus. 10 minutes, puis ça paraît plus. Puis tu sais, tu sauves comme plein de papier brun, là, que dans le fond. Plein d'électricité, de et voilà, c'est comme mon petit truc écologique de la semaine. Sinon, on va passer tout de suite. Mais en même temps, si tu t'es, mettons, tu t'es assis, puis t'as posé tes mains avec plein de germes sur tes mains, sur tes jeans toute la journée, là, tu vas te laver les mains, puis tu t'essuies les mains là-dessus. Tu viens pas comme une chose de défaire ce que tu viens de faire. Ah, ben, je sais pas. Je pense que c'est pas nécessairement. Faudrait y aller pour le total des germes, là, vis-à-vis. Ouais. Sortez-moi un vase de pétri, on va regarder. Je sais que le séchoir à main est plus écologique et plus bruyant, ouais, mais plus écologique et plus passe moins de germes que du papier. Ok, bon, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Donc on a pour le séchoir ou le. Mais par exemple, faut et savoir aucun papier brun séchoir, dans les toilettes. Faut que tu frappes tes mains, ouais. Ouais, idéalement, le calice, là, pour vrai, le monde, mettez pas de papier brun dans les toilettes. C'est pas une bonne idée. C'est non, pas cool c'est pour sûr. Le staff. Sinon, ben, j'ai comme une mauvaise bonne nouvelle pendant qu'on a du gluant en arrière. C'est parfait, ça. Ah, ça c'est une je serai jamais une sirène parce qu'on a convaincu notre comptable de faire quelque chose pour le contre la fin du monde. Lui qui possède et du sang juif de par son père et du sang maya de par sa mère a accepté d'user de son talent d'élu pour nous continuer le calendrier maya. Il n'a pas été trop difficile à convaincre étant donné le potentiel de profit que la menace du monde représente par rapport à la vraie fin du monde. C'est le juif qui a comme pris le dessus là-dessus. Là. Le stéréotype juif, par exemple. Ouais. Pour l'instant, c'est en chantier, mais il nous a garanti qu'il était pour ramener ça. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter comme différentes représentations de moi en sirène qui ont été réalisées par des gens qui étaient très occupés. J'aimerais remercier M. Riffard Pierre, ainsi que Laurane qui a fait un beau dessin ici. Ça là est épeurante, ça vient de Valérie, ici il y a comme la version Saint-Valentin, le remix qui va peut-être me hanter, tu sais, c'est le genre de photo ça que si je la retrouve sur un forum dans quelques années je serais pas surpris, tu sais, là ça bouge, il y a comme une animation pour faire qualité. Mais toi ton but c'est de devenir une sirène pour survivre à la fin du monde, c'est ça? Ben non, c'est plus pour vivre la dernière année de l'humanité à ma manière. Ah, okay. Parce que moi, je pense pas que ça va être un raz-de-marée qui va venir. Ça a été essayé, ça va vraiment péter ici. Ouais. Regarde les beaux cheveux blonds. Comment ça te fait bien, c'est ça. Ça, c'est moi, c'est rien, ça. Avec une grosse queue frétillante, puis des beaux cheveux, avec les boules, mais pas de menstruation. C'est exactement ce que je voulais. Ouais, c'est parfait. Ah oui. Hein? On va bien. Oh, wow. Est-ce que tu peux mettre la tête est proportionnée. En plus, on dirait tout la... Tout est travaillé. Et ici, ça, c'est la finale. C'est ma petite touche. J'ai pris le dessin de Laurane, qui était presque exactement la vérité. Mais après m'avoir vu transformé en sirène, j'ai rajouté une humble notice par-dessus. Mm-hmm. Et c'est donc là qu'on est rendu. Mais ça arrivera jamais parce que Pablo va sauver l'humanité. Mais donc, juste de même, le calendrier Maya, là, c'est pas comme un rond qui recommence. Ouais, mais. Fait que t'as pas vraiment besoin de le continuer, t'as juste à le pogner puis à le revirer de bord. Non, Pablo, il a décidé qu'il était pour amener espèce de petite notice. Il y a un changement de digit, en fait, là, qui se passe. C'est ça. Ah ouais, mais c'est pas mal tout. Fait qu'on part, je pense, de 12 à 13 dans le premier gros chiffre. Ouais. 13 à 14, puis quelque ça, chose de genre. Ça, tout le reste se remet à 0. C'est ouais. C'est pas si compliqué que ça, en fait, bon. À repartir. Et voilà. Donc, avec une sheet Excel, là, ça se fait très bien. Ben, je sais pas, moi, j'y ai dit, amène-nous une napkin, n'importe quoi. Comme ça, ça va être réglé. Ouais. Là, t'sais, l'important, c'est d'avoir de quoi montrer. Ben voilà. Si on a des questions, on peut rediriger vers Pablo. Ouais. qui est l'élu. Parce que des mayas juifs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, ouais. Ça se perd. Hein. En attendant, donc, je ne serai jamais une sirène et je demeure un homme raffiné, éduqué, culturé. Un homme pour qui l'agenda occupé de Nord-Américain qu'il est l'oblige à sélectionner ses loisirs. Un homme pour qui les plaisirs représentent une priorité qui se doit d'être intelligente et responsable. Et comment mieux incarner cette priorité qu'en sélectionnant ses bonheurs d'une manière construite, éprouvée et intelligente. C'est pourquoi quand j'ai besoin de kung-fu de qualité, ça me fait plaisir de faire affaire avec les frères Shaw. Les frères Shaw, c'est du vintage puissant qui a établi les bases d'un domaine du cinéma aux ramifications innombrables. Souvent imité, pratiquement, et jamais égalé. C'est du bon kung-fu, ça, les frères Shaw. On commence à 70% à l'émission d'aujourd'hui, le premier clip. Là, tu voulais nous plugger de quoi en particulier, mon Préjean? Non, bon. Mais je vais le faire. Ah non, c'est vrai, c'était Dieu. Pré-Jéhovah. Ça va, j'ai beaucoup de noms. Ok, ça... Nous allons aller voir Queen of the Stone Age with Make It With You. Ah ouais, voilà. On est tellement 2004. Non. Dieu a un petit côté nostalgique. Ben oui, c'est ça. Silence, on écoute! Ouais. À 70%, pis la télé des deux TV. Maintenant, les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Bonsoir. Alors, ce soir, en nouvelles, plusieurs choses se passent dans le monde, puis ça fait trois semaines, fait que j'ai beaucoup de choses. Alors, on va commencer tout de suite. Jerry Strang, 63 ans, fait face à des accusations criminelles après avoir appelé le 911 pour signaler que deux prostituées avaient quitté sa maison sans l'avoir complètement restaurée. L'homme de la Pennsylvanie aurait donné $400 aux deux femmes qui les auraient et les auraient ramenées chez lui dans le but de fumer de la fumée et procéder à des relations sexuelles. Après que Strang ait appelé la police pour signaler un vol, il aurait déclaré à l'officier que l'entente était qu'il serait entre les deux femmes, alors que tous les trois participeraient à des activités sexuelles ensemble. Mais selon Strang, les prostituées se sont déshabillées, ont commencé à fumer sa fumée et ne l'ont pas invité à les joindre dans le lit. Strang s'est déshabillé, s'est retrouvé au bout du groupe, pas entre les deux comme c'était censé au départ, et a dû se contenter de tripoter le sein de la prostituée la plus proche de lui alors que les deux femmes avaient des relations sexuelles ensemble sans se soucier de lui. Après ce fugace frottement, les femmes sont parties avec son $400. Les trois ont été arrêtés. Ouais. C'est un héros. C'est un héros, hein. C'est vraiment un héros. Il y avait 400$. Il y avait de la fumée. On continue dans le genre de choses qu'il faut pas faire avec la police. La police de San Francisco a arrêté un homme soupçonné de viol après qu'il ait approché une policière en uniforme afin de la courtiser. L'homme de 26 ans aurait entamé une conversation avec l'officier assise dans sa voiture, lui demandant si elle était mariée. La femme lui aurait répondu qu'elle n'était pas disponible, mais de lui donner son nom quand même au cas. Une vérification de dossier plus tard, le suspect était menotté. Pendant qu'il était dans sa voiture de police. Oh, oui, c'est ça. OK, OK. Ouais. Délicieux. Hey, c'est vraiment des héros cette semaine. Merci, Bruno. Parlant de héros, je pense que c'est le temps. On va mettre le clip du héros près avant d'aller voir Étienne et les nouvelles qui sont sur le virtuel. C'est mon héros. C'est le mien. Mais ça va être le vôtre aussi un peu. J'ai hâte de voir ça. All right. Okay. 3, 2, 1. Oh. Hang on. No, I'm fine. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Wow. C'est donc le genre de clip qu'on reçoit et qu'on trie. Moi, celui-là, à date, je suis pas mal à moins 9. Ouais, c'est super. Ouais. Le gars, il est bon. Okay. Oh, oui, oh, oui. Oh. En tout cas, c'est hot. On a été rejoint par Andy, d'ailleurs. Andy, t'arrives juste à temps pour la chronique de DJ George. Ah, ça t'apprendra à rentrer dans une pièce comme ça. Ben, écoutez, je commence tout le temps un petit bloc en parlant du côté électronique de nos communications. Donc, on vous rappelle que vous pouvez nous joindre aux adresses qui apparaîtront éventuellement en bas de votre écran. Donc, on a notre adresse Gmail, 70pour100@gmail.com, 70%. On a également douteux.org à Twitter, puis on est aussi sur Facebook. Donc, trouvez-nous, on est partout. On n'a pas reçu d'email étrangement cette semaine. Par contre, il y a Gmail qui nous avise qu'on peut faire des appels gratuits pendant 2012 en utilisant le chat de Gmail. On peut appeler des téléphones. On pourrait le faire tantôt. On pourrait l'essayer. Ouais, ouais. Il paraît qu'on peut. On peut faire ça, appeler partout en Amérique du Nord, puis c'est gratuit. Ah, c'est cool. Sur douteux.org, le Twitter, il n'y a pas grand-chose. Sur le chat de douteux.tv, c'est une autre façon aussi de nous parler. Il y a Daniel Gabriel qui nous écoute encore de France. On va passer sa dernière tour en primeur tout à l'heure. Et puis, aussi, il nous dit que Tommy, selon lui, si tu te sèches les mains sur les jeans après, en sortant des toilettes, tout ce que tu as à faire, c'est de laver tes jeans et le tour est joué. Donc, c'est la suggestion de Daniel. On n'y avait pas pensé. Merci. Ben ouais. Ben ouais. Puis, sinon, ben, il y a plein d'autres mondes qui disent plein d'autres niaiseries, là, et voilà, c'est sympathique. Les autres, je les aime, c'est mes préférés. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui ont aimé certaines photos de sirènes plus que d'autres. Ah ouais, c'est laquelle après? Cool. Non. Je pense celle de Saint-Valentin. Ouais. celle de Saint-Valentin a fait parler. Ouais, ça spook un petit peu, ouais. Ouais, voilà. Il est écrit love. C'est tellement moi. Saviez-vous que la Saint-Valentin avait été bannie en Ouzbékistan cette année? Avait été quoi, bannie? Bannie en Ouzbékistan cette année. Ils ont décidé qu'ils ne fêtaient pas la Saint-Valentin. Ah ouais, bon, ben c'est la place où aller. C'est ça qu'il faut faire cette année. Il faut aller en Ouzbékistan. Ils ont compris. Voilà. Ben. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les chocolatiers et les fleuristes? Est-ce qu'il y en a? Peut-être ça, la fin. Je sais pas. Ouais, je sais pas, moi. Ils sont peut-être pas capables. Fait que sinon, tu nous fais des tonnes sur le péché, toi. Ça a été la demande spéciale de Dieu l'année passée. Ça avait l'air d'être une provocation, en plus. Là. Moi, quand Dieu, il me demande de quoi, Sodom je me lève. DJ George. Ah oui, traite demain. Fait que oui, le péché. Ben, les sept péchés capitaux, il y a certains péchés sur lesquels c'est plus facile que l'autre de trouver des tounes. J'ai réussi à trouver de quoi pour un peu tout. Faut être indulgent de temps en temps, c'est pas toujours super trippant. Mais je commence tout de suite avec la paresse, premier des péchés capitaux, en tout cas dans Seven. Dans la liste. Si t'es capable de passer au travail, tu peux faire. Je fais pas dans l'ordre. Ouais, non, il fait pas. Moi, en fait, je fais pas dans l'ordre non plus. Je fais dans l'ordre d'intérêt. Fait qu'on se débarrasse des affaires poches. Je savais pas qu'il y avait un ordre. Ben, ils sont écrits dans un ordre. Ouais, mais il y a un moment donné, il fuck les chiens, puis il en fait trois en même temps. Ah, ça se peut, par exemple. Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'ils sont en ordre alphabétique hébreu. Ça peut-tu, ça? Ooh. OK, alors, on y va avec la paresse. Araméen. Il s'agit de Licence 4, un groupe français qui nous chante « Demain, on reste au lit ». Donc, le principe de ça, c'est que le gouvernement français aurait, dans cette chanson, dans cet univers imaginaire, voté une loi pour la retraite à 20 ans. Et puis tous les gens qui ont 20 ans et plus peuvent prendre leur retraite, et voilà. Après une longue vie de labeur. Et voilà. Okay. Alors on espère que ça sent bien. J'ai donné mes 5 plus belles années au pays. Et voilà. Ah ouais, mais ça j'ai entendu. Ça va passer à la radio de Radio-Canada. Avec Joël Lebigot le matin. Tous les matins. Exact. Tous les matins avec Joël Lebigot. C'était pas le vendredi seulement? Ça se peut, ouais. Ah ouais, c'est ça, c'était peut-être juste le vendredi. Mes parents écoutaient ça le matin, moi, le vendredi. Moi aussi. Arrêtez de parler dans le dos, excusez. Et voilà. Alors, c'est licence 4. Licence 4 en France, c'est le permis de boisson qu'il faut aller chercher pour pouvoir vendre de l'alcool. Fait que voilà, c'est inspiré de ça. C'est un beau nom. Ouais, c'est cool. Bien thématique. Fait que c'est ça. Sinon, après ça, ben, on peut passer de la paresse à l'avarice. L'avarice, donc, qui est le péché de. Qui est une maladie de jambe. Merci, Bréjean. C'est également aussi le fait de vouloir tout garder notre argent pour nous-mêmes et ne pas partager. Alors, je suis allé chercher mon bon ami Bouchard. Je sais pas si vous vous rappelez de Bouchard, qui chantait « Ma blonde me fait des hamburgers » pour aller chez Moutarde. Ah ouais! Puis « Je fume plus » aussi. Ouais. Mais c'était difficile. Mais c'est revenu. C'était pas facile, ouais. C'est comme ce gars-là, il était comme pré-Twitter, là. Ah oui, il faisait des tunes sur des affaires comme sur Twitter. Là. Exact. Ma blonde me fait des hamburgers. Je fume plus. Ces tunes faisaient rien que 150. Puis lol. Bon, alors son grand classique. Son grand succès. Mais sinon, là, aujourd'hui, on va écouter la chanson qui s'intitule assez poétiquement « De l'argent ». Avec deux apostrophes. Alors voilà. Le concept de ça, c'est qu'en gros, il nous dit que pour faire plein de différentes choses, ça prend de l'argent. Ah ouais? C'est un peu ça le propos. Ah, il a compris comment ça marchait. Puis énumère, pour ceux qui ne comprennent pas tout de suite, des exemples de choses pour lesquelles ça prend de l'argent. Ah, c'est bon. Puis là, es-tu ministre des Finances? Des exemples d'activités pour lesquelles on a besoin d'argent. Voilà. Ça, tu peux tirer de son de album. Pas faire des rimes tu me la donneras celle-là, je vais la passer dans mes cours de marketing. C'est bon. Tu t'apprends le show. On apprend l'offre et la demande avec Bouchard. Tiré de son album Pinceau avec sa sœur Lise qui fait les packs. Oh. Lise Tremblay. Qu'on la salue. C'est compliqué, là, l'histoire. Non, Lise Bouchard. Ça groove. C'est quelque chose, là. Ça donne le goût de taper du pied. Faut une pochette floue. L'argent. L'argent, ça prend toujours de l'argent. Toujours. Dans le monde, ça prend toujours de l'argent. Dans la ville, ça prend toujours de l'argent. Et boy. Tu viens pour le monde, ça prend de l'argent. Quand t'es crevé, ça prend de l'argent pour t'enterrer. L'argent. L'argent, ça prend toujours de l'argent. Toujours de l'argent. Bon, ça prend de l'argent. Tu vas manger, ça prend de l'argent. t'emmènes ta blonde, ça prend de l'argent, tu vas manger, ça prend de l'argent pour avancer. T'auras pas d'argent, tu vas crever. T'as pas d'argent, ben tu vas sécher. Ça sert à rien de t'entêter. Ça prend de l'argent pour s'amuser. Même le gouvernement, s'il n'y aurait plus d'argent, ben il serait sauté. Et voilà. Ah ben oui. L'argent. Même le gouvernement, s'il n'y avait plus d'argent, il serait sauté. C'est à peine arrivé. Ouais. Comme Andy. Andy est vraiment sauté. Commentaire de Dieu. Au cube. Ça prend de l'argent pour tes souliers. Ça prend de l'argent. Pour acheter des chips, ça prend de l'argent. Manger, ça prend de l'argent. Aller au restaurant, ça prend de l'argent. Tous des exemples différents. Transformer de la nourriture en digestion, ça... Ça prend de l'argent pour acheter la nourriture. T'en fais-tu un petit dernier avant qu'on ait écouté la toune de Danny Danny? L'argent. Tout à fait. J'ai une bibliothèque, ça prend de l'argent. Tu vois, il fait des cours, il a tout de suite catché le concept. Tu pourrais faire une suite. Moi, ça m'a pris ça, beaucoup d'écoute. Argent d'eau. L'argent, ça sert à être échangé contre des affaires et des services. Très bon, très bon. Pour avoir deux putes, une de chaque côté, ça prend de l'argent. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? Ben, on peut s'acheter de la bouffe. Il le dit 15 fois dans sa toune. Et justement, en parlant de bouffe. Ben, il y a la gourmandise, qui est également un autre péché capital. Segway! Oui, monsieur. J'avais organisé un ordre intelligent cette semaine. Des tunes qui parlent de bouffe, il y en a plein. J'ai déjà fait deux, trois spéciales bouffe dans le temps de Choc. Parlant de Choc, il paraît qu'il y a une nouvelle murale. On les salue. Oui, c'est ça. Ça leur tente pas d'avoir de l'équipement qui marche en place. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Dieu. Ouais, donc, il doit le savoir. Ouais, il sait de quoi qu'il parle. Donc, des tonnes de bouffe, c'est ça, il y en a plein. Mais moi, je voulais pas ressortir une affaire connue que tout le monde avait déjà entendue. Alors, je mange. Non, c'est ça. Ouais, elle plate, tu vois. Je regarde la face, je le vois. T'aurais trouvé ça plate. Vas-y. Fait qu'à la place, j'ai trouvé quelque chose d'original. C'est une Française qui s'appelle Anne-Marie Payson. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Payson. P-E-Y-2-S-O-N. Puis elle a fait un disque de recettes. Ouh. Donc, c'est des vraies recettes qu'on peut faire pour vrai, mais en musique. Puis là, ben, j'ai choisi celle qui me semblait la plus intéressante, la terrine de lapin au gin et aux noisettes. Oh! Ouh! Ça a l'air bon. Elle fait des recettes en musique. Check ça. On prend des notes à la maison. Vous enlevez de quoi faire de beaux filets. Sur le rable, sur les cuisses, vous en trouverez. Dans une poêle huilée, faites revenir ces filets. Salez-les, poivrez-les, mettez de côté. Vous désossez avec soin ce qui reste du lapin. Cherchez bien, raclez bien, et ne laissez rien. Ajoutez-y sans retard le veau, le porc et le lard et le foie. Et tout ça, passez au hachoir. Ça rime souvent. Ça fait penser un petit peu à Guy Lambert Disco. Oui, quand même. Il n'y a pas vraiment de souci de suivre la mélodie. Pas beaucoup, c'est ça. Elle a des un choses peu par moment. Ouais. Mais voilà, la recette passe. Il y avait, comment elle dit, Marat Tremblay aussi qui en avait fait une sur le. Tapissez votre terrine d'un morceau de barbe fine et d'une couche bien épaisse de la farce fine. Maintenant, vous disposez des noisettes et des filets, puis encore de la farce et vous recommencez. Elle transformée en heavy metal, ça serait pas pire. Il y avait juste la bouffe pour faire tracher Tommy. C'est à four, pas trop chaud que vous mettez. Dieu! Il est parti où? N'oubliez pas, je n'ai pris de la cuisine au bain-marie. Ouais, c'est pas pire, hein. Si on t'offre 43 secondes, on va avoir tout entendu au complet. Bon, on va l'avoir entendu au complet. Ouais. Andy, avant d'aller écouter à toi, veux-tu nous parler de ta petite découverte? Ouais, on m'a demandé de prendre quelque chose à table et de commenter. En fait, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Des fois, il demande à ses suivants de sacrifier le fils ou. Ben, exact. Je suis assez content que c'était pas comme la dernière fois qu'il m'a demandé de me mettre tout nu. Des fois, il fait des bêtes de marde avec le diable, puis tue toute la famille de quelqu'un qui était cool. Alors, on a le. J'ai trouvé par terre, vraiment, tout seul, dans un petit coin triste, esselé, avec de la musique. J'ai trouvé le bandeau mythique de Tommy. Ouais. C'est vrai. Mythique, là. Le mythique bandeau. Puis, je regardais les macarons, là. C'est super. Mon préféré, je pense, c'est celui qui est addict au bout. Moi, I love le magazine Wow. Là, ça, c'est, I love le magazine Wow. Ça, pour ceux qui s'en rappellent. Est-ce qu'il est marqué Love ou c'est un cœur? Non, c'est un cœur. Man, la vie, c'est de la stitinarde. Un de mes Kieran Mark préférés. On a Corey Hart ici dans toute son douchebagness avant même que ça existe. Il est orange. À côté de lui, c'est-tu un membre de l'équipe Walmart? Oui, c'est ça. Adrien. C'est, comment il s'appelle? Adrien. Adrien, le membre de l'équipe Walmart. Oui, ouais, fier. Bon. C'est un greeter. Ouais, c'est ça. C'est pas n'importe qui peut faire non, ça. Non, c'est pas facile. Non, il faut avoir absolument des problèmes mentaux. T'as besoin de lumière? T'aimes les gens, en tout cas. Ami. Là, ici, on a, comme je disais, Corey Hart en orange. Ah, c'est-tu qui est beau? Puis c'est pas un effet de la télé, là. C'est vraiment, il est en orange. Il est vraiment orange, ouais. Dans les années 80, là, c'était synonyme de virilité. Oui, c'était pas des douchebags. Et de tendresse? Un peu. Et on arrive vers la fin, bien sûr, du mythique et légendaire. On a les Power Rangers. Les Power Rangers que les couleurs fitaient avec leur race étaient de toute beauté. Ça, ouais, les cinq qui ont une couleur qui représente à chacun la personnalité. Soit du linge. Ben, c'est soit, dans la ville, ouais. Soit la couleur de leur peau. Puis, ouais, comme, ben, c'est ça, leur personnalité. Comme là, t'avais la fille. L'asiatique est jaune. Ouais. Le noir, il est noir. Il est noir. Le rouge, non, ben, il est le rouge, c'est comme le leader. Ouais. Le bleu, c'est le nerd. Oui. Puis la rose, c'est la fille. Il y avait pas eu un moment donné un bleu gros, genre. Il y a eu un vert qui est devenu blanc. Oui. Ouais, lui il était la nature, lui. Ouais, c'était le Power Ranger qui transcendait les autres. Il était pas le loose cannon. C'était comme le Clint Eastwood. C'était la nature, il était neutre. Il voulait que les forces continuent à créer des. Ouais, c'est ça. C'était la chose qui vendent jusqu'en Europe puis en Amérique du Nord. Fait que c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça par terre. D'ailleurs, je suis surpris, ça devrait être accroché dans un musée. Ah oui? Ça traîne directement à terre. Dans un musée, quand même. Dans un musée. C'est un artefact plus deux. Ah, ben c'est vrai qu'il est dans un musée, mais par terre. C'est une sur deux, c'est bon. Ben, merci beaucoup, Andy. Ben, ça m'a fait plaisir. Andy, ça a été ma chronique la plus pertinente. Ben oui. Ça a bien été. Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'ils ont fait? On en parlait tantôt, là, puis moi, je trouve que c'est vraiment dégoûtant, le traitement qu'ils ont fait du jeu vidéo de Super Mario Bros. Ça ne suit absolument pas le film original. Le jeu vidéo est totalement déphasé. Le héros Mario, là, c'est comme plein de petits pixels, là, puis il saute, puis il cogne des briques, puis il n'y a jamais de briques dans le film. Bob Hoskins ne ressemble pas du tout à Mario, ou vice-versa. Moi, je pense qu'ils se sont plantés dans le jeu vidéo. Moi, pour être bien franc avec toi, là, ça dépend lequel des Super Mario, là, on s'entend, là, parce qu'il y en a quand même neuf. Sur les neuf ont été plantés complètement. De toute façon, ça ne se rapproche absolument pas de l'histoire. Mais puis voilà. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un livre de Mario Bros. D'ailleurs. Ah ouais. Oh, ouais, sûrement. Non. Mais d'ailleurs, quand tu y penses aussi, je veux dire, dans le film, il joue jamais au soccer, puis tu sais, il joue jamais au golf non plus. Puis la glu, elle vient d'où, tu sais, je veux dire. Il est jamais un docteur non plus, c'est jamais clair que c'est un médecin. Non, Mario, c'est ça. Ça l'explique jamais. Non. Exactement, c'est jamais précis, clair dans les jeux vidéo qu'est-ce qui est vraiment. D'où ça vient, cette mythologie-là qu'ils ont créée autour des personnages. Là, ils ont commencé à spinner off. Là, on commence à se concentrer sur le champignon, on s'en calisse. Ça n'a pas rapport. La seule affaire de champignon qu'on a vu dans le film, puis ça, c'était vraiment une belle représentation graphique, là. C'est, tu sais, t'avais des petits champignons dans un coin, là. Ouais. C'est là que j'ai pleuré, parce que j'ai fait « Wow, enfin! Ouais. » Enfin, on redonne les lettres de noblesse aux champignons. Il n'y en a pas assez dans les films. Est-ce que j'en avais vu? Moi, j'en ai pas vu tant que ça. C'est vrai qu'il y en a. Dans ce film-là, il y en a. Il y en a. J'aimais beaucoup aussi le système des espèces de bottes que tu mets une douille de dose dedans. Ouais, qu'il faut que t'ailles cruiser douchebagment une fille en danse. Oui, mais enfin! Enfin, tu sais, ayons pas peur des préjugés. Blastons ces murs-là. Ça fait, là, il faut se rendre à l'évidence. Ils pètent pas de briques, mais ils blastent des murs. Fait que c'est peut-être métaphorique. Ah, peut-être, ouais, dans ce moment-là. Colin, là, c'est quoi? On est revenu à passe-partout avec blaster un mur dans le jeu. Tu pitches une tortue, tu peux pas le faire. Tu peux pas rentrer dedans. Ben, ils sont où les tortues dans le film? Il y en a. C'est vrai. Ça, c'est encore une fois de l'interprétation. Tu sais, je veux dire, voyons, comment, Yoshi. Ouais. Yoshi, un qui s'appelle pas Yoshi. Fait que pourquoi vous l'avez appelé Yoshi, c'est ridicule. Déjà en partant. Deux, la représentation. Il s'appelle Yoshi. Il s'appelle Yoshi. C'est juste qu'il est bien moins mobile puis il a pas de grande langue. Oui, exactement. Puis il est tout petit. Ouais. Il pond pas d'œufs. Pourquoi que c'est pas ça qu'on a dans les jeux? Ouais, un personnage Yoshi inutile qui sert juste à être cute. Exactement. Ouais. Il en manque. C'est ça que ça nous prendrait. Ouais. En tout cas, si Nintendo nous écoute, là. Ben, ça serait peut-être le temps de faire un jeu vidéo, un vrai jeu vidéo de Mario Bros. Super Mario Bros. De game de movie. Qui respecte, ouais. qui respecte la diégèse. Oui, ouais, avec un stage en char, oh, puis tout, là. Puis le passage dans un autre monde, là. Ouais. Et ouais. Voilà. Il y a tout sur Xbox 360. Ou la PlayStation 4, je pense qu'on est impossible. Sur ces vérités, on s'en va écouter la nouvelle toune de Danny Daniel qui nous a envoyé à nous en particulier. Oui, en primeur, vous écoutez ça à Zooter.tv. La télé des délaissés. Danny, Danny. Puis vous l'avez entendu nulle part ailleurs, puis vous ne l'entendrez pas tout de suite ailleurs parce que c'est nous qui avons la primeur. Pour au moins les 14 prochaines minutes. Au minimum. Au moins. Fait que voilà, on écoute ça, ça s'appelle « Si ton amour s'envole un jour oh. » Si ton amour s'envole un jour, je m'envolerai avec lui. J'effacerai les traces de mes pas. Quand je m'en irai loin d'ici, refaire ma vie, laisser battre mon cœur ailleurs. D'autres couleurs, quand le temps sera passé, sera plus rosé pour me laisser aimer. Je t'aime tant, tu fais mon bonheur, tous les jours. Si un jour l'existence te sépare de moi, il me manquera à jamais un bout de toi. Mais je t'attends, tu m'aimes, je t'aime. Donc, Pierre, quand t'es prêt. Qu'est-ce qui se passe? Là. Ah, d'accord. Hey! Hey, merci beaucoup, Danny Daniel. C'est tout le temps plaisant d'avoir de tes nouvelles. On espère que la vie se passe bien en France. Tu vois, on a comme fait un échange. On s'est ramassé un français en échange de. Là, tu peux. C'est Paul-Jean qui est de retour. De retour. Et voilà. Pendant exactement. Qu'on va écouter ici maintenant les nouvelles de Bruno, tu vas voir, ça va bien dans le ouais. monde. Cool. D'accord. Les frappeurs dans l'État de Washington, un homme de 22 ans a été arrêté après que plusieurs citoyens aient mentionné aux autorités qu'il approchait les gens devant le palais de justice demandant s'il voulait acheter de la marijuana. Bonne idée. Les policiers ont identifié l'homme qui sentait fort le pot et ont trouvé plus de 20 grammes de marijuana sur lui. Classique. Ah, yeah, c'est ton spécial héros. Ouais. L'homme a été arrêté, cité pour possession de marijuana et relâché. Le shérif Tom Jones. C'est fun quand même que le shérif s'appelle Tom Jones. Le shérif Tom Jones affirme que celle-là parle d'elle-même. Pas besoin de faire de commentaires. Ça aurait été cool s'il avait déclaré It's not unusual. Ah ouais, c'est vrai. Ça aurait été vraiment hâte. Ouais, là, ça aurait été pas pire. Pourquoi le shérif Tom Jones dit pas tout le temps ça? What's... She's a lady. Ouais, ouais, en tout cas, non. Ok. Un groupe de. Ah, une nouvelle locale. Un groupe de défense de droit canadien désire que le gouvernement finance l'alcool gratuit pour les alcooliques afin de freiner la consommation de rince-bouche et de désinfectants pour les mains. La proposition vient du groupe des buveurs illicites pour l'éducation de l'Est de Vancouver qui a été formé en juillet dernier et a reçu une subvention de 52 000 $ afin de faire des recherches sur les programmes de pension d'alcool en Colombie-Britannique. Le porte-parole Rob Morgan affirme qu'il est parmi les milliers d'alcooliques qui achètent ou volent du désinfectant à main dans les hôpitaux afin de le boire et qui boivent aussi du rince-bouche et de l'alcool à friction. Ben voyons, Chris! Vancouver a déjà des centres pour les héroïnomanes où on offre un lieu sécuritaire et des seringues neuves. Morgan affirme qu'il est temps d'offrir le même genre de protection aux alcooliques. Les estimations préliminaires démontrent qu'il en coûterait environ 350 $ par buveur par mois, mais le groupe maintient que ce serait moins cher que les coûts pour les traitements médicaux administrés à ceux qui boivent de l'alcool non sécuritaire. Ben oui, mais voyons, si, ils fournissent pas l'héroïne à ceux qui fournissent l'aiguille, ils fournissent le moyen. On peut lui fournir des verres propres. Des places. Un bar avec des verres propres. Tu sais, puis je veux dire, c'est pas parce que, mettons, t'as une place que t'as l'alcool à volonté que ça va t'aider à te guérir de ton alcool. Je pense pas. Ils disent que ce serait des espèces de lounge où c'est qu'il y aurait de la bière forte, de la vodka et du sherry. Ça va être servi. Pas par n'importe qui. J'espère que ça va être des écoute. Là, ouais. Parce que si tu mettons que tu es employé par le gouvernement pour t'occuper d'une affaire de même, puis pour aider ta clientèle qui vit déjà des gros problèmes d'alcoolisme, ben, tu demandes aux serveuses d'être comme, tu sais, habillées légères. Tu leur donnes des coupons pour qu'ils puissent acheter de l'alcool, puis là, ils passent tous leurs coupons dans les 4 premiers jours, puis après ça, ils vont boire du désinfectant puis du rince-bouche. C'est ça. En tout cas, je pense que ce qu'on pourrait faire, ça serait augmenter les taxes sur le désinfectant puis le rince-bouche. Ouais, ça serait plus abordable. Ou une grosse campagne de sensibilisation aux gens, leur rappeler qu'il faut pas avaler le rince-bouche, c'est que ça. L'alcool à friction, c'est pas pour la gorge, tu sais. Que... Voyons, Christ! C'est ça le problème dans la vie, c'est qu'il y a des produits. Ouais. Il y a des produits, puis tu sais... Pour les acheter, là, c'est quoi ça prend? De l'argent. Ça prend toujours de l'argent. J'ai entendu dire ça tantôt. Moi, ça, ouais, ça m'a ramené un petit peu sur Terre. Parlant de ramener sur Terre, est-ce que je parle un petit peu du film? Je vais te demander de partir le film au tout début, mon cher Dieu. Ah, j'aime ça. On demande des affaires à Dieu. Ouais. Pendant ce temps-là, raconte-nous une blague bien de chez vous, Paul-Jean. Ça va être ton intervention parce que Bernatchez vient d'arriver. Alors, est-ce que vous avez Toto au Canada? Les blagues sur Toto? Je connais le principe. Là. Toto, c'est comme un câble, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Toto, ça. C'est n'importe quoi. Toto. Ça peut être comme un Yuffie, dans le fond. Tu l'appelais, mettons, Michel Villeneuve. Ouais, mais c'est Toto. Okay. Ben, appelle-le Michel Villeneuve. pour adapte au Québec, là. C'est ça. Alors, voyons voir. Ça va marcher pareil, là. Alors, c'est Toto. Michel Villeneuve. Michel Villeneuve. Ah, exactement. Michel Villeneuve, il va là. Michel Villeneuve est à la plage. Ah, putain, mais j'en sors rien. Toto, il va à la plage et Michel pouf, Villeneuve. Il tombe sur le sable, comme ça. Paf. En improvision, comme ça. Bon. Aucune raison. Et il est mort. C'est Toto, il est mort sur la plage. Michel Villeneuve. Mais Michel Villeneuve, ouais. Mais alias Toto. Ok. Si on le sait pas. Voilà, ça vous fait rire? C'est super. <rire> <rire> Viens-nous, Danny Daniel, on va renvoyer lui. Oui, ça fait d'abord. Merci, hein. Ouais. Non, c'est Coluche plus dans ce style-là, ben. Tu vois, qui fait des blagues un peu foireuses dans ce style. Ah, ben là, ouais. Faut citer Coluche quand même, grand français. Ouais, lui-ci, il a fait. Il m'a volé ma campagne publique de politicien. Moi aussi, j'ai eu le même truc, mais j'ai appris après que j'avais le même truc. Mais lui, il s'est fait tuer pour ça. Là. Exactement, mais sa campagne, c'était bleu-blanc-merde. Pour remplacer la couleur du drapeau français, justement. C'est pas bon. Tu vois, des anecdotes sont payées, il n'y a pas de misère, mais quand vient le temps de nous faire rire, liberté, en adaptant son discours. Merci bien gros, Paul-Jean. Je vous en prie. Là-dessus, on va peser plus sur le long métrage. Yor. La toune du début est excellente. Chasseur du futur. Reb. Reb Brown. Il y a vraiment l'air du futur, quand on le regarde. Hein. Le futur par rapport à quand? Il est dans du surréaliste incroyable. Il me semble que ça y fait pas, mais ça rêve. Il y a comme l'air. Ça ressemble un peu à. Pas avoir le triseau léger. Je sais pas. John Steiner dans le rôle de Overlord. C'est qui le boss des méchants, tu penses? Je sais pas. Carole André. Donc, Yor, le chasseur du futur. Faudrait faire une recherche à savoir pourquoi les barbares étaient autant à mode au tournant des années 80. Il y avait Conan en comic, en film. He-Man, Thunder le barbare, Mythor, Dor l'invincible, Rahan en dessin animé, parce que la BD, ça date des années 60. Thorgal, qui est plutôt un anti-barbare, mais bon, faut tenir compte du contraire pour mieux cibler l'objet. Bones, en fait. Hercule, l'incroyable Hulk, Tarzan, le Tonda de Frazetta a eu une run aussi en comic book. Black Star, Dark Star, She-Ra, Red Sonja, les deux gros jumeaux barbares canards, le barbare de Dedan Hero Quest, parce qu'il faut pas l'oublier, il tapait plus fort que les autres, le barbare, dans Hero Quest. The Ultimate Warrior, puis sûrement plein d'autres. Thor le guerrier. Thor, ouais, j'avoue. Non, mais. T'as pas Thor. Pas Thor le Norse God, Thor le guerrier. Pas vu Thor le guerrier? Ben, ça me dit quelque chose. Là, la femme est un être futile. C'est pas pire. Ça fait gay un peu. Moi homme, moi viril. La femme ne sert à rien. Une réappropriation peut-être tous ces barbares de l'Uber mâle en ces temps de libération féminine. Je sais pas, c'est important. Ce qui est sûr, c'est que point commun entre à peu près toute la gang, ils ont aucun poil nulle part. Ok, ben le film commence puis on voit le nom de Reb Brown. On l'a vu tantôt sur fond de trame sonore originale pas mal fromagée. Reb Brown. Le décor de rocher quand bien avec la thématique du film, que l'on sait fantastique. Quel genre de créatures nous attendent dans cet univers surréaliste? Tantôt, je me demandais si c'était post-apocalyptique, puis là, je me rends compte que c'est le guerrier du futur. Fait que ça se passe après la civilisation, qui a comme été toute rasée pour une affaire qui revient jamais. Je pense que ça qualifie. Oh oui, ça compte. Ouais. On est post-apocalyptique. Donc, on remarque immédiatement que Reb est en bédaine pour rien, qu'il court vers nous. C'était beau, hein? Est-ce un rêve? Ça ne peut être qu'un rêve. Imberbe, fier, heureux, épanoui, Reb transporte très très gaiement ce qui ressemble à une hache. Le monde fantastique serait donc peuplé de monstres dangereux au point que l'on ne peut faire du jogging sans arbre. Qu'importe, Reb est là pour nous protéger. Nous protéger de surcroît en bédaine pour rien. Tiens, c'est bizarre. Reb n'a aucun poil sur son corps à 93% nu. Ça doit être une particularité de son peuple. Quoi qu'il a l'air tellement jeune, cet imbe Reb. Imbe Reb. Très fort. La chanson se poursuit comme une guimauve qui se régénère en bouche ou un gros casse-gueule sucré sans fin. Et Reb court, mais vers où? Et voilà Reb. Là, il voit qu'il y a comme un tricératops parce que on rappelle que la Terre est vieille de 5000 ans et que les dinosaures, selon le musée créationniste, n'existaient pas encore. Ben non, en fait, les dinosaures auraient existé en même temps que les êtres humains. Ouais, ben c'est en fait... lors du déluge que, tu sais, il y a eu tellement de bouettes pis d'eau partout qu'ils ont enseveli. C'est pour ça qu'ils sont allés plus creux, les dinosaures. Ouais. Ils sont allés creux pendant le déluge. Parce que Dieu, il a dit pas de dinosaures dans l'arbre. C'est fini. Ouais. Ouais, ça aurait pris bien trop de place. C'était trop gros. Ça ressemblait un petit peu à... Pas de dinosaures. Et puis, ben, moment important du film, on est en train de le vivre. On rencontre la tribu du jadis qui semble pas mal plus évoluée que le héros côté vestimentaire. Mais pas côté méthode de combat, car immédiatement, on comprend que la tribu ne possède pas la maîtrise du cadre de la caméra qui semble être la spécialité de Yar. Là, on voit que en usant du cadre de la caméra, il peut facilement... Des affaires rouges. Ouais, Reb Brown. Puis Yar est catapulté dans une histoire de méchants dépendants du progrès contre les gentils conservateurs hardcore, parce que les méchants, c'est comme des robots, tu sais, c'est dans le futur, puis... Ouais. Ouais, oh, Chris. Non, hardcore, pas Harper. Asti, que ça y fait pas, hein, méchant, de barbare, de taquin, là. Oh, il est content! Yes, Reb! Yeah! Mais comme on est du bord de Reb Brown en Bédène, on sait pertinemment qu'on va gagner au bout de l'escarmouche. Est-ce que je vous ai mentionné que Reb Brown va passer 1h30 sans aucun début de t-shirt sur le dos? Jamais. Et on reconnaît ici en background, pour les habitués du domaine, il y a Papillon. Papillon qui était dans Les Exterminateurs de l'an 3000, qui jouait le rôle de du vieux qui dit « Tu le rappelleras ce fils de pute que je l'aime. » Tu sais, continuer sans moi et tout le tralala. Grosse affaire. Fred, t'en viens-tu faire ta chronique? Predge, Dieu, plug-nous un petit clip, là, puis on revient avec la chronique de Fred, parce que là, il y a Bernatchez puis tout. Faut qu'on déboule vers la fin. On est à 70%. Il reste une demi-heure. Puis il te reste deux nouvelles, il reste comme c'est un film très mal ce soir, j'envoie une chanson pour les dames. Cyndi Lauper, girl, just wanna have fun. Oh, ben, God. C'est la primadonna. We'll be right back. guitar. All right. Three, two, one. Oh, hang on. No, I'm fine. I'm okay. Arc-en-ciel. Ça sent bien, il va y avoir beaucoup de couleurs. Oh, t'as encore une fois. Hey, merci pour la version longue. Dieu, c'était. Ouais. Je la connaissais par cœur, mais plus longtemps. Je m'excuse. Alors, voilà, on va commencer juste un petit préambule en partant. Le 13 mai, l'émission culte Décidérait, vous avez reçu Guillaume Sigouin, celui qui fait ma chanson thème, qui fait cette chanson-là. Mm-hmm. Puis, on avait un concours qu'Étienne a gagné. Ah, mon Dieu, c'est aujourd'hui. Ça fait 9 mois de ça. Demandez, vous recevrez. Guillaume Mathieu avait gagné le CD de Guillaume Sigouin du Sabot Trio. Et voilà. Puis je l'attends depuis tout ce temps-là avec impatience. Voilà. Ah, merci. Et voilà. Bravo. Décidérait. Une émission fiable, les... qui tient ses promesses. Ouais. On ne parlera pas de tous les autres concours qu'on n'a pas donné les cadeaux non plus. Bon, on est en retard d'une coupe de Nissan Sentra. Ouais. L'autre personne qui a participé, elle ne l'a pas reçu encore non plus, puis je ne le trouve plus le sien. Mais en tout cas, c'est infini. Dans ta face, autre personne. Eh ouais. Véronique Dumont, salut. Alors, on continue. Alors, je vais vous offrir un petit voyage qui s'étend sur 30 ans. Mais un voyage dans le sens de, tu sais, tu prends une semaine dans tout inclus, puis là, tu tombes malade, puis il pleut tout le temps, puis c'est un voyage de marde, là. Ouais. Okay, ouais. C'est ça. Alors, c'est les Schtroumpfs en jeu vidéo, 30 ans d'opportunités manquées. Alors, c'est ça. Alors, ça va être, j'ai quand même plusieurs. Ça s'étend sur les débuts jusqu'au plus récent. Fait que, gros dossier. Un gros dossier chaud. Oh. Rétrospective. YouTube, dérougissait pas. alors, comment faire un jeu vidéo de Schtroumpf? Plusieurs se sont posé la question. Personne ne semble avoir trouvé la réponse. On va commencer par la première, une pub. Puis après ça, je vais parler du jeu en question. Are you watching Smurf? La qualité n'est pas très bonne. Oh, now it's a video game. Ouais, c'est Chucky, and that's Smurf. He's got a rescuer. Smurf under him. The Smurf talk, Dad. Smurf the Smurf. Play Smurf on your ColecoVision, Atari 2600 VCS, or Intellivision video game system. Dad, maybe Smurf's too exciting for you. Ah! Il sera pas couché à vasoir. D'accord, on va regarder maintenant qu'est-ce qui excitait tant le père. Alors, ça va être le jeu vidéo. Tu peux mettre le deuxième vidéo, c'est le jeu vidéo en version Atari. Alors, donc, ça les bons graphiques, là. Ah, ça dure 54 secondes, on va l'écouter au complet. C'est le village, celle qu'on s'en rappelle, avec le ciel mauve puis une maison. Oh, on reconnaît la forêt magique des Schtroumpfs. Le vieil ami des Schtroumpfs, la clôture, suivi du ruisseau. Ce ruisseau qui ondule. Oui. ensuite de ça, les marches. Ouais. Ça, c'est dangereux. Vous avez tout le temps sauté deux fois pour pouvoir sauter. L'araignée. La fameuse araignée. C'est l'épisode avec l'araignée. Ouais. On voit que toutes les choses donnent 400 points. Ah, le ruisseau, il y avait un autre ruisseau. 400 points, toujours 400 points. Mettons, à toutes les fois que tu réussis. C'est le retour du ruisseau. Et ce qui me semble être, j'imagine, la table à manger de Gargamel. Et la Schtroumpfette. Ah ouais. Et la Schtroumpfette, évidemment. Qui est sur une table. Il saute deux fois à toutes les fois. Ouais. Et voilà, c'était en 54 secondes tout ce qu'il y a dans le jeu des Schtroumpfs ou Atari. C'est merveilleux. No, ouais. Maintenant, la version ColecoVision, qui est le même jeu. Smurf Rescue. Smurf Rescue. Dessus. Ouais. Puis ça, j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'habituellement, ces vidéos-là sur Internet, ben, c'est du monde, tu sais, c'est des speedruns, supposons, en bon français. C'est des gens qui sont bons. Lui, il est pas bon. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. La clôture qui est bonne. Mais je me souviens, est-ce que j'ai compris. Puis on se souviendra que le joystick du Coleco, il va pas bien. C'est vrai, par exemple. Peut-être pas à ce point-là, là. Vas-y, donne ça. Il a eu ses premiers points. Et voilà, 200 points d'un coup. Il y en a un autre. Il a perdu de l'énergie. Deux, c'était trop dur, deux. Oui. Je m'attendais pas à deux. Bon. Okay, l'énergie, c'est comme à Master Regan, Adventure Island. Oh! Et dans les champs. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Il peut se renifler le sol. On peut voir qu'il peut se baisser, mais ça sert à rien. Ouais, il se met en ça n'a pas fait à remonter l'énergie? Non, se baisser, ça sert à rien du tout. L'énergie remonte quand tu changes de décor, genre. Et voilà, il a perdu toutes ses vies. En tombant sous le gars. Et il recommence au début. Alors, on va avancer ça à 1 minute 35. Hey, ben, on peut le laisser. Oui. Non, c'est correct. J'en ai pas mal. Alors, la caverne. La grotte. On va avancer à 2 minutes 18 maintenant. Je vais vous montrer la caverne. Après la caverne, il y a encore ça. Il y a encore ça. Retour de la clôture. La clôture très présente dans l'univers des chevaux dans ce temps-là. Ici, le château de Gargamel qui est finalement comme 3-4 écrans de suite parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Ah, ben c'est bon, c'est bien tough s'y rendre, même fois que t'es là. Ça donne un petit break. Il y a des et voilà, des clôtures meurtrières. Puis là, puis ça, je me rappelle que moi non plus, quand j'étais jeune, j'étais pas capable. T'es pas capable parce qu'il faut faire comme une espèce d'autre jump, de deuxième jump, qui là, on dirait qu'il s'en rend compte là. Okay, quand ça le fait, il se pratique. Ah oh, wesh. Il se pratique à le faire. Il fait pas le même bruit ce jump là. C'est celui que tu veux. Je trouve coquet pour toi, Andy. Non, c'est je trouve costaud. Il dépense toute son énergie à se pratiquer. Il pratique longtemps. C'est le schtroumpf sautant. Ouais. Quand t'as plus d'énergie, est-ce que tu tombes endormi? Je fais une que tu meurs, mais c'est. Et il l'a pas eu. Alors voilà, c'était la vidéo des schtroumpfs au Coleco. Ici, c'est une vidéo d'un gars qui, pendant une minute, il a fait. Je vais faire un petit vidéo bref, mais juste vous dire que j'ai trouvé un jeu des schtroumpfs. Est-ce que c'est écrit schtroumpf en français dessus? Là, il en parle pendant une minute. Là, c'est un gang des dislikes son vidéo. Ok, on peut passer au prochain. C'est un français. Si, qui alors, c'est Smurf Paint and Play Workshop. Ah. C'était un anglophone. Okay, ça, ouais. Ça, ouais. Celle-là, la vidéo dure 24 minutes 38, fait qu'on l'écoute au complet. Non, on va laisser aller un petit peu au début. On se souvient bien sûr du schtroumpf vert, là. Moi, j'aime ça, la version accélérée qu'il a mis tantôt. On va peut-être. Ouais, j'avoue, en fait. Ouais, on peut comme regarder ça pendant que tu continues à nous éclaircir parce qu'on a plein de questions. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Essentiellement, c'est comme un rip-off de Mario Paint. Mais avant Mario Paint. Fait qu'en fait, Mario Paint est un rip-off de Smurf Paint and Play Workshop. Puis là, c'est ça, tu choisis des items sur une autre page. Puis là, tu dessines, tu les mets là. Il choisit des fleurs, là, il les met. Puis là, après ça, tu peux comme te promener avec un schtroumpf là-dedans. Puis évoluer dans ton décor. Fait que là, tu peux l'avancer à 10 minutes 25. Mais tu pouvais. Voir, il y a 4 décors différents. Comme le château de Gargamel, que tu peux dessiner aussi. Pouvais-tu sauvegarder? Non, tu peux pas sauvegarder. C'est ça, avec je sais parce que dessin, je l'avais. Tu prends la photo, puis c'est fini. Genre. Mais en même temps, c'est parce que. Tant que c'est limité. Gars, 10 minutes 35, ce que j'aimais bien, c'est qu'on dirait que le gars vraiment a essayé de faire de quoi de le fun, là. Il place les deux ballons en même temps, puis il fait comme une danse avec. Une danse hypnotisante. Oh, regarde. Oui, aussi, il y a la musique des schtroumpfs qui joue en loop sans arrêt. Ça, c'est pour te mettre à l'aise. Ça, c'est la musique des schtroumpfs, ça? Ouais, j'imagine. Ouais, pas vraiment. Il a fait, là. Oups! Le grand schtroumpf. Tu peux le faire tomber aussi, si tu veux, comme. Tu peux tomber dans le vide quand ça. Ça, puis il va le faire, là. Il est en 3D, mais il devient 2D. La vidéo de 25 minutes, je le rappelle. Oh, regardez! Mais. Si tu peux monter, tu sais, c'est comme un. Une feuille, là, tu peux monter sur le feu, tu peux, tu sais. Voilà, il va le refaire, là. peut-être pas bien noté, là. Ah, il est French. Bon, ok, on va avancer ça, c'est dégueulasse. Hey, puis il met ça à 23 minutes 26. Yes! Fait que là, il remplit la place. Là, il remplit la place de tous les meubles que tu peux mettre, que tu peux voir ce que tu peux faire, là. Ben, tu peux mettre, supposons, mettre des plantes dans le. Oh, il y avait un escalier. Gargamel en bas à droite. Gargamel qui est aussi grand qu'un schtroumpf. Oui. Ah, il fait un pont là. Il est pensé que c'est le meilleur endroit. Maintenant, il l'enlève. Avance ça à 23 minutes 26, s'il te plaît. Fait que toi, tu l'avais, ça fait longtemps. J'ai ta passion pour la bande dessinée. Ben, j'aimais ça quand j'étais jeune, les schtroumpfs. En fait, je trouvais vraiment le fun, ce jeu-là, pour de vrai, quand j'étais jeune. Mais c'est tout ce que tu peux faire, c'est ça. Là, il y, y a bien meublé avec des bons vieux meubles médiévaux. C'est comme The Sims, un peu. Ouais, c'est comme The Sims, mais ça, quand tu fermes ton Coleco, ce n'est plus qu'un horrible souvenir. C'est décoré style rococo. Ouais, très rococo, si j'ai bien compris. Ensuite de ça, dans les années 90, il y a eu des bons jeux, des shrooms, fait qu'on n'en parlera pas. Et j'ai pas de... Mais c'est ça, il y a eu des jeux, il y a eu quelques jeux au Super Nintendo, puis au Genesis, et au Game Boy, en genre Europe. Des platformers. C'est ça, ben bon dans le sens de ceux qui sont corrects, là. Wow, ouais. Fait qu'on a... j'ai pas d'image de ça. Ensuite de ça, ben, après ça, le prochain, c'est un jeu de PlayStation 1. Encore. Ah, il me semble que tu nous en avais déjà parlé, lui. Pas de cela, non. J'avais parlé des Inogo de PlayStation 1, mais pas de 3-2-1 Smurf Race. Des courses à dos de Mario Kart. Ouais, c'est un rip-off de Mario Kart. Yeah. Parce qu'on sait qu'il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Mais Chris, oui. Puis il n'y a pas de page Wikipédia, même, de jeu, là. Fait qu'il n'y a pas de. Ça serait le temps d'en créer une. Ça serait le temps d'en faire. Ben, en fait, la plupart des jeux que je parle, il n'y a pas de page Wikipédia. Fait qu'on va se baser sur les informations qu'on a dans les vidéos. Là, il y a le Schtroumpf à lunettes. Il t'explique tout. Là, tu choisis ton tableau. Là, tu choisis ta piste. Ah. Là, tu l'as. Ouais, ici, le Schtroumpf farceur qui, évidemment, est dans un cadeau. Puis, ben, c'est ça, ils ont des items. Puis, ben, le jeu, je pense pas inconnu, le succès escompté. Oups. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de pleure de banane. Et puis, est-ce qu'il y en a eu des c'est complètement différent. Donc voilà, il y en a très long à dire, ce jeu-là. C'est bien mieux avec des punaises, moi, je trouve. Et finalement, il n'y a pas eu de jeu après ça. Ça, c'est en 97, je ne me trompe pas. Il n'y a pas eu de jeu jusqu'à récemment, le jeu des jeux vidéo basé sur l'excellent film. Ah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire un jeu vidéo basé sur des films, quand il ne se passe pas assez d'affaires dans le film pour faire un jeu là-dessus? Ben, tu fais un jeu de danse. Alors, voilà, tu peux voir. Et là, on a vraiment pogné le fond, là. Ouais, ça a l'air, c'est de la belle animation. Ouais, il est là dans le film, mais dans BD, non. Il est pas. Comme s'il est passé le Schtroumpf dans lequel. Puis lui, il y a des favoris, ça. Tu dis, les autres Schtroumpfs, ils ont choisi de pas avoir de barbe, peut-être de la gueule. Faut dire qu'il y a le grand Schtroumpf avec une barbe. Ouais, une barbe. Mais comment qu'il se rase, le Schtroumpf? Bah, avec des rasoirs. Ah, ouais. Ils mettent la crème à Schtroumpf. Barbie. On aurait beau rire de Schtroumpf au Coleco ou Atari, mais je jouerais vraiment plus au Schtroumpf au Coleco qu'à ça. Ouais, j'avoue que oui. Genre, t'avais les deux devant toi, là. Et ça, je terminerais. C'est quoi, c'est à la Xbox ou c'est à la Wii et au Nintendo Wii. DS. Okay. Puis je terminerais avec une dernière image du même jeu, qui est vraiment la pire image de jeu vidéo ever, et c'est vrai. C'est Hank Azaria. Oui. C'est Gargamel dans un jeu de danse. I want power. It's Smurfs I hate. And I'm a genius. Alors c'est ça, dans ce jeu-là, vous pouvez chanter sur des tunes des Jackson, de Whitney Houston, des Schtroumpfs, de Katy Perry. Comme dans l'époque médiévale, là, dans laquelle ça se passait. Comme ça, la trame sonore du film. Ouais. Non, mais dans le film, ça se passe pas vraiment dans l'époque médiévale. Non, ils sont téléportés dans Dr. Dougie. Ben oui, il fallait, parce que ça aurait pas été bon s'il avait juste suivi le matériel original. Il fallait qu'ils les amènent à New York pour jouer en 3D, tu sais. Créer des quiproquos, là. On n'a pas un. Sinon quoi, respecter l'œuvre d'un gars qui est mort? Voyons, si Hollywood est pas de même, on le fait une fois, ça va devenir des habitudes. Je crois qu'on n'a pas encore développé la technologie pour enlever les gros halos verts autour des gens aussi. Ben moi je pense que c'est du démoniaque. C'est vraiment la pire vidéo que j'ai trouvé de ce jeu-là sur YouTube. Ben j'aimerais ça le garder, lui, je pense. Ouais, lui, il est pas mal. Tu sais que Gargamel a appris ces moves-là? Il tu sais qu'il est tout le temps il est seul, pas mal solitaire, ouais, c'est ça, d'après moi. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Alors ça, voilà, c'était 30 ans de jeux vidéo de Schtroumpf. Super. Bon, alors, pour nos auditeurs qui croient pas à l'évolution, ben, ils ont raison là-dessus. C'est comme à l'envers. Ouais, c'était meilleur dans le temps. Ou c'est comme des pandas. Ouais. Ah, merci bien gros, Julien. Pas de problème. Bernache et... Merci. Pas moi, c'est des Schtroumpfs. Fait que là, il y a le petit clip qu'on a tourné du deal secret qu'on a fait mardi. Il te reste deux nouvelles toi. Toi, t'as tes pochettes, puis on a Fred. J'ai quatre péchés. Fais des péchés, man. Fais des péchés? OK, fais des péchés. Ouais, parce que la semaine passée, j'avais demandé qu'on m'impose un sujet. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Dieu qui s'est manifesté pour m'imposer le sujet des péchés. Fait que j'ai parti des péchés capitaux. Donc, on a fait tantôt la paresse, l'avarice et la gourmandise. Maintenant, on y va avec la colère. Et qui de mieux pour représenter la colère que... Claire Pimparé. Qui de mieux? Qui de mieux? Ben, Fafouin peut-être. Alors, il a plus donné la gourmandise, mais bon. Ben, ouais, ou la luxure. La luxure, oui. Donc, mais c'est la colère. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même? Ouais, ouais. Donc, elle nous fait une toune avec l'aide de son ami Fafouin qui s'appelle Je suis en colère. Donc, si vous voulez le faire à la maison, il y a une chorégraphie simple qui vient avec ça. Oh, yeah! Puis on donne des points, c'est à l'examen. Hein. À la maison. Je suis en colère, je tape par terre. Avec le pied ou... Je suis fâché, je tape du pied. Des fois c'est du pied, des fois c'est libre. Je grogne, je grogne, je grogne, je grogne, je grogne. Je suis en colère, je tape par terre. Ça a bien marché en disque, Claire Pimparé. Ça laisse discuter pas tellement. Musicalement, globalement. Mais sinon, à part ça, le fait de les danses exercices, ça, ça a beaucoup plus. Ouais, c'est vrai que ça marche ça. Beaucoup plus que moi et Fafouin. Elle avait gagné le prix de l'artiste émergent, je pense, cette année-là. Penses-tu? À la gagner. Mais je pense sérieusement que moi et Fafouin a gagné un prix du meilleur disque pour enfants, ah, ouais. La disque. Oui, mais écoutez-là un petit peu la toune, là. J'étais en colère tantôt. Elle est toujours en colère, peut-être. Ouais, puis elle tape toujours par terre. Je cogne, je grogne. Je cogne, je grogne, je cogne, je grogne, je cogne, je grogne. T'es plus fâché, ta foi? Et attention. On vient d'entendre Fafouin. Fafouin qui fait un petit miaou comme ça à la fin. Oui, une autre mascotte qui a le pouvoir de faire du bruit. D'habitude, ça leur est interdit. Ouais, ben laissez les mascottes s'exprimer. C'est bien ça. Ben, bon. Le bonhomme carnaval. Ben, c'est la seule. Ouais, c'est la seule à laquelle on fait. Bibi. Bibi, c'est pas, Bibi, c'est pas une mascotte. C'est un extraterrestre. Non, Bibi, c'est le bonhomme bleu là, de participation. C'est pas une mascotte, ah, le bonhomme bleu. C'est une mascotte. Ben, il n'y a pas un saut, là. Oh boy. Ça prend un saut pour être. Mais OK, le bonhomme bleu, la fille du fromage aussi. Aussi, d'abord. Ouais. Puis moi. Ah, Métanie. Métanie, c'est vrai. Métanie, elle parle. Ouais. Bon, ben, oublie Clarinette, ça. La goutte d'eau. Mais c'est vrai que plus souvent qu'autrement, il parle pas. Non, gars, on en a nommé plein. C'est correct. C'est une... Je sens que j'ai vu Youpi en entrevue l'autre. Ah, non, mais... il est en train de nous mettre en colère. Mais un autre péché. C'est de la colère. Bon, alors maintenant, on va y aller avec l'envie. L'envie, écoute, j'ai trouvé une super bonne toune pour ça, que j'ai déjà fait jouer ici, mais j'en trouvais pas de meilleure. Il s'agit de Peter Sloan. Le jour se lève. Ça commence doucement comme ça. Je vais même monter un peu mon son. Dans la tendresse sur la ville. Attention. Oh boy. Ça va exploser. Comme dans un rêve. Tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Voilà, fait que non, ça c'était juste pour garder ça simple et sympathique. Bon, ouais. T'as réussi. Ouais, après ça, ben allons-y avec maintenant l'orgueil. L'orgueil, eh bien, qui de mieux que Sean Edward pour personnifier l'orgueil, mesdames et messieurs, boy. Avec son premier single, Parler de moi. Ah, ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on va passer ces deux singles? Non. Parce que son deuxième aussi parle. Le deuxième, c'était Regarde-moi. Regarde-moi, ouais. Mais c'était plus... je l'ai écouté, puis j'ai choisi celui-là parce que Regarde-moi, c'était plus... Regarde-moi dans les yeux, je t'aime. C'était moins voyant. Là, les gens, ils voient la pochette. Oui, probablement que les gens voient la pochette. OK, ça veut dire qu'on voit la même affaire. Oui, c'est... C'est Sean Edward avec ses muscles, ses cheveux longs et son veston. Ils ont pas de poids. Et c'est dents. Ouais, on voit un bout de maman. Un petit bout de maman. Ces lois qui me censurent, qui m'empêchent de crier qui je suis. Je sers le temps, je compte le temps, mon sourire ment. Allez maintenant, parlez de moi. Parlez de moi. Tu n'as pas la tête. Ah, c'est Dieu qui m'a donné le sujet là. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. La luxure. luxure pour nous remettre de tout ça. La luxure, je me suis dit, bon, je pourrais prendre n'importe quelle chanson de sexe, cheap, genre Père Thibodeau, ou ta graine dans ma sandwich, mais je me disais, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est pas la luxure tant que ça. C'est plus comme juste le sexe, ah ah ah, grosse face grasse. Wow, je voulais la luxure de genre sexe épanoui et jouissif, tu sais. Fait que j'ai choisi une chanson de Michel David, Marianne et Janet. Là, faut faire attention ici, c'est original. Janet, elle l'écrit exactement comme Jeannette en français, mais juste pas de E à la fin. J-E-A-N-N-E-T-T. Finalement. Donc, Janet. Janet. Et puis, ça s'appelle Amour 2 plus 1. Et puis là, ben, c'est une femme qui se fait réveiller par son mari, qui veut la sauter. Puis qu'elle, au début, elle veut pas, plus soudainement, elle a une surprise pour lui. On l'écoute. C'est la luxure, évidemment, c'est sur un ordre similaire à l'Aide sur le moins de Satan. Comme il se doit. Marianne. Ah, Michel qui réveille Marianne. Marianne. Marianne. Laisse-moi, Michel. Laisse-moi, je veux pas. T'as qu'à me coucher sur le bras. Pas tout de suite. Pas tout de suite. La plus près. Est-ce que vous nous aimez? Michel. Marianne. Reste sans dormir. Ah oui. Non. Oui. Oh yeah, c'est ça qui est. Oui. Ouais, là, j'ai soufflé. Qui sait? Quoi? J'ai une surprise pour toi. Ah. Quelle surprise? La surprise. Marianne qui invite Janet, qui était là dans la chambre. C'est dans un dortoir. Elle cachait un garde-robe. Il s'en suit ici une série de présentations où chacun dit le nom qu'il présente. Là, ben de là s'ensuit l'amour 2 plus 1. Oui. Penses-tu qu'il est entre les deux ou qu'il s'est fait mettre sur le côté sideline? ça dépend combien il paye. Et je profite de cette dernière 30 secondes. Ah oui, le top. Pour faire mon top de pochette. J'ai choisi des pochettes sur la luxure pour aller avec mon dernier péché. Donc, nous avons tout de suite au départ, voici Love and Kisses. Donc, c'est une madame nue sur un cheval blanc. Tabarnak. Andy, essaye de zoomer. T'es dessus, là, t'es bon. Oh, t'es pas dessus. Ah, pas voilà. Ça, et voilà. Regarde, je vais te montrer l'arrière. C'est intéressant aussi. Arrière. Voilà. Alors, on voit son visage. Elle a une cravache, effectivement. Elle a des belles bottes. Remarque aussi. Ces choses-là. Oh, un couteau, j'aime moins. Ça, c'est une pub de bottes de American Apparel, ça, c'est ça? Je sais pas trop. Aster, oui. C'est un peu trop Andy, à mon humble avis. Voilà, Love and Kisses. Ensuite, en deuxième position, eh bien, on retrouve encore la slot à Richard pour son 25e anniversaire de vie artistique. Regardez-moi le beau costume, si c'est pas superbe ça, avec des petits brillants judicieusement placés. Jusqu'en bas. Magnifique. Pour seulement camoufler les parties à camoufler, dont le cou. Assez jazzlé partout. Ouais, il y a un brillant devant chaque freckle. Il faut pas qu'elle bouge plus qu'il faut. Ah, que personne ne voulait mettre. Une constellation. Et un bas de plumes. Si on regarde à l'arrière, on voit tout plein de photos différentes de Michel Richard, incluant celle qu'on a vue de zombie la semaine passée. Ben oui, j'ai vu la face brune. Là. La face brune, qui est ici. Puis ici, celle-là qu'on voit de ce côté-là, je me trompe de main. Là. Va voir l'autre bord, c'est ça, ici. Là. Ça, j'ai lu sa biographie à Michel Richard et elle déclare que c'est. sa photo préférée d'elle. Avec elle, raison. Selon elle, la plus belle photo de Michel Richard qui a été faite. Ouais, ça ressemble un petit peu à une carte d'assurance maladie. ouais, le background, j'avoue. Avec une... coucher de soleil. Avec un petit peu trop. Un petit peu trop, hein. C'est sûr qu'elle a de la compétition sur ce photo-là, quand même. Mmh. Alors, c'est Richard sûr. En bikini. Je suis pas sûr que j'avais envie de voir avec ça. Avec son nom coché. C'est même pas encore ta dernière, ça? Non, ben en fait, j'ai un ex-écho pour la dernière position. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai deux disques de chanteurs très drôles. Et hop, dézoom, tu vas voir. Ah, Nono! De foutre! Et voilà. Alors ça, c'est deux albums totalement différents ici. Donc on a ici Gabriel Bigras, Double Sens, 67 raisons de vous exposer avec une faute à rire. Donc ouais. Voilà. Ça, c'est de l'humour. Il aurait pu se rendre à 69, franchement. Ouais, il me semble. Hein, c'est du monde ouais. Fait que là... Fait que c'est des bonnes blagues tout au long du disque. Puis, bien évidemment, Gérard Nono Deslauriers avec chanson de F5 petits points. Donc, ça pourrait, c'est probablement de fesses au pluriel. Ah, ouais, pas foutre. Ouais. Parce que le mot fesses, on peut pas écrire ça. Là. Ouais. Fait qu'il y a plein de bonnes tunes là-dessus. Puis voilà, c'est jaune. Puis il y a une femme dessinée. Puis, chanson de fucker. À l'arrière, chanson de fucker. La collection. Ouais, à l'arrière, chanson de fucker. Le meunier. Justement, cocu. Le pain de photo avec sa graine dans le sandwich. La graine dans sa lèvre. Pain de photo. Voyons, mets-moi ça là. C'est pas con, là. Mon sandwich. Mets-moi ta graine dans mon sandwich. Voilà. Alors, c'est bien gros, Étienne. C'était les 7 PG capitaux. Trouvez-moi un autre sujet pour la semaine prochaine. C'est la fin de l'émission. Bernatché, tu vas y trouver un sujet? Ouais. On va aller écouter les croisades. Clip, c'est l'échange, là. Vous allez voir, c'est Galinette Rémy qui nous a fait ça avec l'excellent Stéphane P. C'est arrivé mardi, le monde interlope. Oh oh. Les vraies valeurs. À 70%. Sur toute TV, la télé des délaissés! On revient pour la fin de l'émission après. Fait qu'on est en train de s'en aller dans un stationnement pour dealer des substances, la marchandise, la grosse matière première avec un certain Morin. Un vieux dans le métier, paraît qu'il connaît ça, là. Moi, je suis juste chauffeur. Hey! Ouais, on est presque rendu au Orange Julep, là. C'est là qu'il a décidé de nous rencontrer pour dealer la marchandise. J'espère que ça va bien se passer. S'il y a de quoi, maman, je t'aime. Il n'y a pas de trait distinctif. Il va y avoir une vanne de jetons qui vont donner de la quantité de substances qu'on achète. On l'avait prévu. Chris, est-ce qu'on aborte? Mais je vous conseille, les gars, tu sais, ici, on notre jus d'orange est normal, mais eux autres, leur jus d'orange n'est pas normal. J'ai comme soif aussi. Mais si t'as l'envie, ça coûte une beurrée, mais t'as un jus d'orange julep. Est-ce qu'il faut que je prenne? Ah, jus d'orange. Je vais t'aller s'acheter un jus d'orange. Qu'est-ce que t'en penses du jus d'orange? Ah, c'est liquide, là. C'est du jus d'orange liquide. Je veux commencer à le faire sur DVD, mais trop long. Pas patience, je vais le faire. Moi, je l'ai. Mais moi, j'ai le temps qui me le permet. On va sortir des classiques, ça va nous faire plaisir. S'il y a des films que tu veux revoir en digital, on va les transférer. Ton numéro encore. C'est bon. 18 ans de collection que je comprends. Il y a des films dedans. Puis pourquoi t'as commencé ça? Ben, j'ai commencé avec E.T. Ah ouais? Avec le film E.T. Puis après ça, j'ai un autre film, La Vigueur des Ménages. Ah, ça apprécie. Il y a les trois là-dedans. Ok, ok. Ça, c'est Spirit Ball, je pense. Ouais, c'est tough à trouver. C'est des films hollandais. Ouais. Bonnes chips de marque. Ouais. Croustille, pardon. On termine les nouvelles pour ce soir. Alors, Pour la deuxième fois dans l'histoire, un automobiliste a été arrêté alors qu'il conduisait une Zamboni en état d'ébriété. Ça, c'est drôle. Les spectateurs de l'aréna Apple Valley au Minnesota auraient contacté la police alors que Joel Bruss, 34 ans, carénait la glace approximativement, rebondissant sur les bandes. Arrivé sur les lieux, les policiers ont aperçu Bruss qui semblait avoir de la difficulté à manœuvrer sa Zamboni hors de la glace. Bruss a été arrêté après une série de tests de sobriété échoués. En juin 2005, un homme de 63 ans était la première personne à être arrêté pour la même offense dans une aréna du New Jersey. Les Américains savent pas jouer au hockey. Alors, un petit peu de human interest. Stacy Irvine, 17 ans, a été transportée à l'hôpital alors qu'elle s'était effondrée due à des troubles de respiratoire causés par le fait que sa diète ne consiste qu'à des croquettes de poulet depuis 15 ans. La jeune femme qui affirme n'avoir jamais goûté un fruit frais a été rendue anémique et carencée en vitamines et en nutriments par sa diète, tellement qu'on a dû lui en injecter lors de son passage à l'hôpital. Malgré le fait qu'on lui ait fortement conseillé de changer ses habitudes alimentaires, la jeune femme affirme ne pas pouvoir quitter les croquettes de poulet auxquelles elle est dépendante depuis la première fois qu'elle les a essayées à l'âge de 2 ans. Elle refusait de manger quoi que ce soit d'autre et sa mère a abandonné le combat il y a plusieurs années. Bonne idée, maman. Bravo. Elle affirme varier sa diète parfois en mangeant des rôtis au déjeuner ou des chips en collation. Même si elle réalise que ses habitudes alimentaires sont mauvaises pour elle, surtout depuis sa visite à l'hôpital, tous ses repas principaux sont encore constitués de croquettes de poulet. Sa mère est triste de cette situation. Exaspérée par le refus de sa fille de manger santé, elle prie pour qu'on puisse l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Allons l'aider! Elle ajoute que ses deux autres enfants mangent bien, là. Que c'est, okay, qu'on comprenne que c'est pas de sa faute. C'est pas vraiment de sa faute. Ok, qu'on comprenne que c'est pas de sa faute. Dieu, il est pas mal fier. Ouais. Elle pourrait tremper ses croquettes dans de la sauce fruitée, au moins. Ben oui, voilà. Au départ, l'ancien. Ce qu'elle a appris, c'est qu'il y avait une injection pour tout régler ça. Ah oui? Ouais. Donc, c'est pas ce qu'elle a fait ça, là. C'est vrai. Elle était capotée. Fait que mange tes rôtis pis tes chips. Ah oui. Une petite dernière, mon Bruno. Une dernière, 4 high schools de Détroit ont décidé d'utiliser du temps de classe afin de former 60 étudiants à travailler chez Walmart. Le partenariat offre 11 semaines de préparation à l'emploi durant le jour et un emploi chez Walmart après l'école. Les étudiants recevront 10 crédits pour ce programme. Un taux non officiel de chômage de 50% à Détroit. Les supporters affirment que les emplois chez Walmart sont une opportunité en or. Yes! Voilà. C'est vrai. Bravo! Merci, Walmart! Merci, Walmart. Moi, je me rappelle quand ils ont ouvert le Walmart à Val-d'Or, là, ils ont reçu 2000 CV. Ah ouais, tu vois, c'est noble. Facile que ça, rentrer là. Ben non, ils prennent pas n'importe qui. Puis le gars qui s'occupait du comptoir d'électronique, je m'en rappelle, j'y ai demandé, il y avait un bac en électronique. Ah ben oui. Le gars, il y a un bac en électronique, fait qu'il pouvait vendre des Game Boy ben chez... Oui. C'est clair. Mais il disait, oublie c'est pas ça de... C'est ça que t'apprends dans ton bac. Ben oui. Comment ouais. Ça marche un Game Boy. Faut être payé chez Walmart. Non. Faut être payé à toute éventualité. Tu mets la petite danse le matin. Ouais. Anyway. Hey, Fred, tu tapes des mains puis tout, puis tu fais « Ah ouais, on est content chez Walmart. » À 70%. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de la violence qui s'est vue en Syrie, ayant fait plus de 3000 morts, de même que du veto russe et chinois s'opposant à la répression, en fait, la résolution de l'ONU qui condamne la répression en cette Syrie. Mais en fait, je vais vous parler des vraies affaires, parce que hier, c'était le Super Bowl. Hein? Oh là là! C'est important. Tu as pogné ton crowd possible, toi, parce qu'avec plus de 100 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire quelques millions de plus que Star Academy et tout le monde en parle combiné, c'est impossible à passer sous le silence. Ben, c'est sûr. Mais je vais pas vous parler de qui a gagné. Regardez les nouvelles du sport si vous voulez le savoir. Je vais pas faire un dossier sur les pubs américaines. Allez vous auto-brainwasher sur Internet en tapant Super Bowl Ads 2012. Bon. En fait, on peut parier hein, au Super Bowl, on peut parier sur le gagnant, puis on peut parier sur tout. Ouais, c'est tout ce qui va se passer. C'est ça, je vais vous parler de sur quoi on peut parier. Donc, on sait qu'au début de la game, hein, ils font pile ou face, savoir c'est qui commence, puis c'est qui veut le côté du bord, qui veut défendre, qui botte en premier. Fait qu'on peut parier là-dessus, tu sais, 50-50, tu sais, pile ou face. Mais il y a plein d'autres affaires, en fait, sur quoi on va parier. Donc, voici quelques-uns des paris. Oh, mais ça s'applique pas juste au Super Bowl, ça, non? Non, mais le Super Bowl, on peut parier sur tout. OK. Quand je dis tout. Okay. Bon, oui, chaque moindre détail. Ouais, voici. Il y a Madonna qui danse. On peut parier, en fait, à savoir, est-ce que Kelly Clarkson allait oublier au moins un mot de l'hymne national? Donc, oui, c'était du 5 pour 2. Donc, tu sais, 5 pour 2, c'est toujours, si on parie 200$, on peut en gagner 500. Ouais, donc, ouais, ouais, ouais. 5 pour 2. La réponse est on s'en calisse. Oui, oui, oui. Et ça va être la réponse à chacune de mes autres qui suivent. Oui, oui, si le technicien que, parle encore. On pouvait parier aussi que va porter Kelly Clarkson pour chanter l'hymne national. Est-ce que ça va être un chandail officiel de la NFL ou du Super Bowl? C'était du 9 pour 4. Un chandail des Colts, 7 pour 1. Un chandail des Giants, à 15 pour 1. Un chandail des Patriots, à 15 pour 1. Ou n'importe quoi d'autre, à 3 pour 1. Ça, c'est Kerry. Non, Predge. T'es dans le champ, Predge. C'est pas tout de suite, OK? Pas tout de suite. C'est pas Kelly Clarkson, ça. Là, un instant. OK. On pouvait parier sur... Allons-nous voir le nombril de Kelly Clarkson durant l'hymne national. Hey, sac. Oui, 3 pour 1. C'était payant, hein? C'était un gamble. Ah, mais je pense pas qu'elle l'a fait. On sait pas. J'ai pas checké le national. Qui regarde ça? La réponse, c'est on s'en calisse. Qui regarde le national? De quelle couleur seront les cheveux de Madonna lorsqu'elle chantera durant le spectacle de la mi-temps? Blond, c'était du 1 pour 4 ou n'importe quelle autre couleur, c'était du 5 pour 2. Fred Madonna, c'est le Q, là, c'est tatoué. Là. Madonna. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est Madonna. Et voilà. Ouais, c'est exact. Pis, c'est la première fois que je l'avouais. Ouais. Ah, c'est elle, ça. C'est ça, elle fait pas, ses 74 ans. Hein? Non, effectivement, ouais. Contrairement à Fernand Gignac. Ouais. Non, elle en fait juste 62. Genre. Fait que, on pouvait aussi parier sur combien de fois on va voir Peyton Manning à TV pendant la game. Le over-under, c'était 3.5. Je sais pas si on l'a vu. Là, il y a des instances officielles à un moment donné qui disent OK, la game est finie, le générique monte. Là, on l'a vu 9 fois et quart. Ouais, ben, peut-être pas. Tu sais, si le over-under, c'était 3.5, sûrement qu'on l'a vu peut-être une ou deux fois. C'est trois. On pouvait aussi... là, ça va être le Q, le Predge. Tu sais, Gisele Bündchen qu'on a vu, là, la super top modèle ultra là, qui a fait 35 millions l'année passée. Là. Pourquoi? C'est-à-dire 5 fois plus que la deuxième top modèle, Kate Moss. Elle a fait plus que Tom Brady, son mari, qui gagne 19 millions par année. C'est pas l'ex de Leonardo? Ouais, voilà. Introduction d'une pop-bar. Donc, c'est ça. Combien de fois on va voir la femme de Tom Brady, Gisele Bündchen, pendant le match? L'over-under, c'était 0.5. Je l'ai remarqué. Fait que on l'a vu une fois. Ouais, on l'a vu au moins une fois. Ça, c'est confirmé. Donc, c'est bon, c'est pareil. Cheveux blonds, c'est ça. C'est bien prévu. Non, mais on l'a remarqué, ça. C'est bon, je veux dire, c'est bon, mais... C'est des choses qu'on remarque, tu sais. Les passes incomplètes de Tom Brady, je sais pas combien, mais Madonna, Gisele Bündchen. De quelle couleur va être le Gatorade pitché sur le coach qui gagne? Jaune. Je sais pas. C'était mauve. C'était mauve. Il est même pas dans les choix. Il est pas dans les choix. Les choix, c'était clair ou haut. Pour 3 pour 2, orange 5 pour 2, jaune 5 pour 2, ça c'est les couleurs les plus populaires, tu sais, il y avait punch aux fruits aussi, rouge à 13 pour 2, le vert, on voit pas ça souvent, le bleu non plus, fait que le vert c'était 15 pour 2, puis le bleu c'était 10 pour 1, le régisseur m'a dit mauve, fait que mauve était pas d'un choix, sûrement que c'était payant, c'était peut-être du 100 pour 1, guys, hey, on aurait mis 1000$ là-dessus, sur mauve, on aurait eu 100 000$, tu sais, on aurait eu un beau studio, on, hein? on aurait un beau studio, tu sais, si on aurait mis 100$, ça fait 10 000 piastres. Ça fait 1100 piastres. Ça fait 100 piastres. On avait eu 17 piastres. Ça aurait mis 17 piastres. Tu rajoutes 2 zéros. Ouais. Ah, les gars, on j'ai une opportunité d'investissement unique. Ouais, mais là, c'était hier. La couleur du Gatorade. Fait que c'est ça, c'était ma chronique sur Super Bowl cette semaine. Puis MIA a fait un doigt d'honneur aussi. Ouais, puis il y a Nicki Minaj qui a rappé encore mieux que Will.i.am l'année passée. Encore mieux. Ça, ouais, c'était fou, elle a rappé. Il y avait. Je sais pas, tu penses-tu que ça va faire une controverse, toi, MIA, qui a fait le doigt d'honneur? Ça en est déjà une. Ça en est déjà une. Ouais. Elle s'est excusée. Hey, juste avant de terminer, je vais là un Metro Flirt parce que je reviens. Parce que je sais que Tommy aime ça, puis je reviens à mes premiers amours, puis tu sais, c'est comme, c'est pas parce que j'ai relu les 5-5 que j'ai déjà datant de il y a une couple de mois, j'en ai lu une aujourd'hui, puis je pouvais pas la passer sous le silence. Ça va comme suit, au bel inconnu de la station Vendôme. Bonjour, cher inconnu de la station Vendôme. Je te vois tous les matins depuis 2009 à la station Vendôme. Mais je n'ai jamais osé venir te parler. J'ai un manteau bleu schtroumpf et un bonnet champignon gris. Ça marche. Je ne crois pas au coup de foudre, mais je suis persuadé depuis le premier jour en 2009 où je t'ai vu que tu es mon âme sœur. Ceci sans croire au coup de foudre. À la station Vendôme. tu portes tous les matins un chapeau rose bonbon et ta veste change de couleur selon les saisons. En été, tu en portes une marron. En automne, ta veste est noire. En hiver, c'est une blanche. Okay, si tu as peur, stalker. Et au printemps, tu ne portes pas de veste. Oui, l'adresse est le blablabla. Bla, bla, bla, bla. Tu as les yeux bleus gris, de beaux cheveux blonds courts, et tu as un iPhone noir. Ah. Je sais qu'un jour, tu m'épouseras quand nous sommes faits l'un pour l'autre, ma petite île flottante. Hein? Nos futurs enfants seront magnifiques. Tabarnak. Je t'aime à la folie, des folies, des folies. Réponds-moi vite par métro flirt. Ouais, c'est ça. Je t'aime, chère âme sœur. J'ai hâte que tu me répondes. De Schtroumpfette. Dieu a mal à la tête. De Schtroumpfette. Ok, c'est une fille qui a écrit ça. Dieu parle de lui-même à la troisième personne. Tu veux que je recommence, Tommy, au début? Non. C'est une fille qui parlait. Asti que j'aime ça, ta chronique, mais tout. Oh, la fin, tout au début. Elle aurait pu aller parler n'importe quand pendant toute cette année-là. Ben là, ça, ça le voit à l'année longue, me semble. À un moment donné, il y a une occasion. On va lui demander l'heure, genre, quelque chose, mais bon. Ouais, faudrait les trouver. Faire une émission retrouvable. Faire une émission Métro Flirt une heure par semaine. Je vous promets, éventuellement. On vous remercie bien gros d'avoir écouté 70%. On s'excuse d'avoir fini avec ça. Merci Fred, pareil. Hein, c'était le fun ton dossier. Ben, sur, je vais essayer le super de me forcer bord. La semaine prochaine. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Flirt, ouais, c'est correct, c'est correct. Ouais, c'est cool. En tout cas, c'est dit. Là. Étienne Forêt, vous l'avez entendu. Ouais. Bruno Corbin aux nouvelles. Mm-hmm. On a l'excellent Julien Bernatché là-bas. Au 1, 2, 3, Strum Phrases au PlayStation 1. 1795. Strum Phrases. Ouais, tenez-vous à jour. On a Predge Dieu là-bas à console et puis toutes les groupies dans le salon. Merci à Myriam. Merci à Andy. C'était Tommy Godette au micro. On vous revient la semaine prochaine pour d'autres aventures. 70%. N'oubliez pas d'aller voter sur le site de l'organisme www.douteux.org. Vous pouvez nous donner des dons aussi pour qu'on puisse acheter du tape pour rassembler la console. Et voilà. Après le film, après l'émission, on va regarder le film. Ah oui, on regarde l'excellent Yor, le chevalier du futur post-apocalyptique italien à l'esthétique divergente. Ça, c'était pas un sur douteux.tv, la télé du délaissé. Du démon. C'est la télé de Dieu. Viens, on y arrive. On arrive à Dieu. Hey, on va y toucher, on va toucher Dieu. À côté. Sur l'écran de ma télé, un soir, j'ai vu soudain un petit homme vert qui me disait: moi, je suis un martien. Oui, je suis un vrai martien et je viens sur la Terre pour vous dire que tout va très bien chez les petits hommes verts. Quand je vous vois de tout là-haut fabriquer des fusées, pardonnez-moi, je trouve ça idiot et ça me fait rigoler. Car pendant que vous travaillez pour payer vos impôts, nous les martiens, on va danser au son de nos pipons. Pour un sont gentilles.